Les garçons sont rentrés. Je vais parler à ta mère. Ah non, non, surtout pas. Ce sera notre petit secret à nous jusqu'au mariage. Elle va piquer une crise. Mais pas du tout. On sera enfin réunis. Elle sera soulagée de nous voir si heureux. Bon, compte sur moi. J'ai toujours voulu avoir une petite fille, alors une grande, c'est deux fois mieux. Ah bon? Je sais, je vais un peu vite. Ta mère sait que tu sais? Non, non, il ne faut pas. D'accord. Écoute, qui te conduit à l'hôtel? Personne. Si, moi. Vous? Je me charge de Donna. Elle me fait pas peur, hein, enfin, pas trop. Mais qu'est-ce que je peux être lent parfois? Je suis ton père! Henri! Mais oui, c'est ça! C'est pour ça que tu m'as envoyé l'invitation! Tu veux que ton vieux papa t'accompagne jusqu'à l'hôtel? Je ne te décevrai pas, Sophie! Je serai là! Yes! Voulez-vous?